بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 33 dans l'explication du livre شرح منظومة الآداب الشرعية de l'imam al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est toujours dans le chapitre صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد, c'est-à-dire les liens de parenté, les liens de sang, la bonté envers les parents, et l'égalité, établir la justice entre les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on avait expliqué au dernier cours? Donc, on avait parlé de certains des droits des parents. Et là, le chef, l'imam, il continue, il dit « Wa wajibun at-ta'dilu bayna banihi fil atiyati » كالميراث من كل محتدي. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, donc l'obligation d'être égal entre les enfants, il dit, لما انتهى من حقوق الوالدين انتقل إلى حق الأولاد فالأولاد لهم حق على والدهم بأن يربيهم على الخير ويعلمهم دينهم وما ينفعهم وأن يبعدهم عن الشر وقرناء السوء حتى يكبروا ويعرفوا مصالح أنفسهم فتربية الأولاد من حقوقهم على والدهم قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذه تربية وكذلك تعليمه القرآن والسنة والعلم النافع هذا من حق الولد على والده ونهيه عن المحرمات وعن قرناء السوء وعن فعل المحرم حتى لو كان غير مكلف ولا يأثم ولكن تربيته على ذلك وكذلك من حق الأولاد العدل بينهم في العطية بأن لا تعطي بعضهم وتحرم بعضهم فتعدل بينهم بأن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله جل وعلا ولا تحرم بعضهم وتعطي بعضهم. جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشير بن سعد رضي الله عنه ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لابنه النعمان بن بشير, فجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال أشهد, قال أشهد على غيري, أشهد على غيري فإني لا أشهد على جور. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. Donc ici on va expliquer maintenant la signification de ce passage qui est très important par rapport à la l'égalité et la justice, établir la justice envers les enfants. Et le terme justice est plus approprié que le terme égalité ici parce que l'égalité n'est pas toujours synonyme de justice. Et ta'dil, ça vient de al-adl, al-adl qui veut dire la justice, et non pas de rendre égal nécessairement. Donc ça c'est important, une nuance très importante à comprendre. Et il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de ça. Parmi les kuffars, ça c'est évident, et parmi les munafiqin, c'est-à-dire ceux qui se disent musulmans ou prétendent être musulmans, mais ils sont contre l'islam et contre les règles de l'islam et contre les musulmans, malgré qu'ils se disent musulmans eux-mêmes. Donc quand ils entendent des règles de la religion qui sont justes, mais qui sont en contradiction avec les valeurs occidentales ou qu'est-ce que les Occidentaux, eux, considèrent comme étant leurs valeurs, eh bien, ils remettent en question les principes islamiques pour satisfaire leurs passions ou satisfaire les passions des koufars. Alors, ces gens-là sont des munafiqines en réalité. Hein? Et donc, il faut faire attention à ces gens-là. Lorsqu'ils critiquent l'islam, ils disent l'islam n'établit pas l'égalité. Il établit seulement la justice et nous, on ne veut pas la justice. On veut l'égalité. Même si c'est injuste. Et ça, c'est hein, c'est la preuve que ce sont des gens qui suivent leur passion. Et Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, wal kafiruna humu zalimun. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Parce que la mécréance, c'est une injustice en soi. De même que le shirk, c'est une injustice. Et c'est pas pour rien que Allah Azzawajal, il dit, inna shirk ala dhulmun azim. Hein? Le shirk, c'est la plus grande injustice. Donc les koufars, eux, ne tiennent pas de compte. Hein? Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils ne tiennent pas compte de cette injustice-là, alors que c'est la plus grande injustice qui soit. De faire de l'injustice, hein, en adorant d'autres avec ton Créateur et en attribuant à des créatures des attributs divins et en offrant de l'adoration à celui qui n'en mérite pas parmi les créatures que Allah a créées. Donc ça, c'est une grave injustice. Et également, il y en a le fait que Allah Azzawajal, il dit « وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » C'est-à-dire ceux qui transgressent les règles et les limites d'Allah, eh bien, ce sont eux les injustes. Donc, les injustes, ce ne sont pas ceux qui yani, contredisent les règles de l'islam. Hein, les injustes, ce sont les gens qui sont justes, ne sont pas ceux qui contredisent les règles de l'islam. Les injustes, ce sont ceux qui contredisent les règles de l'islam. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'on respecte les règles de l'islam, on est injuste. Hein? Il y en a qui disent, ah, l'islam n'est pas juste envers la femme, ou l'islam n'est pas juste envers ci ou envers ça. Alors qu'en réalité, c'est lorsqu'on n'applique pas les règles de l'islam qu'on est injuste envers la femme. Hein? Parce que la justice n'est pas synonyme d'égalité. Et l'égalité est parfois synonyme d'injustice, même si les koufars ils ne le veulent pas l'admettre. Hein? Donc c'est très important. Donc ici, le cheikh, il explique, il dit, lorsque on a terminé d'expliquer les droits des parents, l'auteur, maintenant, il passe aux droits des enfants. Les enfants, dans l'islam, ils ont des droits. Bien avant que les koufars écrivent une charte qu'ils appellent les droits de l'homme, eh bien, dans l'islam, il y avait déjà des droits. Ces droits, les droits de l'homme étaient déjà défendus. Hein, et enseigné dans le Coran et dans la Sunna depuis plus que 14 siècles. On n'a pas attendu à ce que des koufars se réveillent pour dire oh, ben, on devrait faire des droits pour les êtres humains. Le créateur de l'humanité, le créateur de l'univers, le créateur de l'univers, il a légiféré des lois, hein, il a légiféré des lois et des règles, et il a donné aux hommes et aux femmes et aux enfants et aux enfants, même aux animaux, hein, des droits et des choses qu'on doit respecter envers eux et des devoirs aussi à l'humanité. Donc tout ça, c'est important de comprendre ça et de ne pas se laisser impressionner par ce que les koufars peuvent avoir prétendu inventer ou légiférer, surtout lorsque leurs règles sont en contradiction avec ce que Allah a légiféré et qui sont en fait des chartes remplies d'injustice, des chartes des droits de ce qu'ils appellent des droits qui sont remplis d'injustice et remplis de choses qui sont fausses et qui sont en réalité une forme de perversité et d'égarement, hein, si on les suit et si on les respecte. Et ce qui est triste, c'est que certains parmi les musulmans qui ont justement une faiblesse dans la foi une faiblesse aussi dans la connaissance. Eh bien, ils prennent ce qui vient des kuffars comme étant une vérité absolue, alors que ce qui est la vérité absolue qui vient d'Allah Azza wa Jal, ils le laissent derrière leur dos et ils le dénigrent comme si yani, ce n'était pas la vérité. Donc ça, c'est vraiment al-intikas, Allahu al-musta'an. C'est vraiment une chose qui est regrettable de la part de ces gens-là, mais ils ne font de tort qu'à eux-mêmes. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, يعني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Si vous vous détournez, yani il va vous échanger par un autre peuple qui va être croyant. Si vous ne voulez pas vous accrocher à l'islam, vous ne voulez pas croire en ma révélation et suivre ce que j'ai ordonné, ben on va vous remplacer par un autre peuple. Et ils ne seront pas comme vous. Donc c'est pour cette raison que yani, on ne s'inquiète pas pour la religion d'Allah, parce que la religion d'Allah, elle va toujours être défendue, que ce soit par nous ou par d'autres que nous, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui protège sa religion. Naam. Donc le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal, il a clarifié les droits des enfants. Et c'est ça que l'auteur ici, il va expliquer maintenant, après avoir expliqué les règles et les droits des parents. Donc les enfants, ils ont des droits sur leurs parents. Et premièrement, parmi ces droits, c'est que les parents doivent éduquer leurs enfants à faire le bien et à être sur le bien. C'est-à-dire que les parents, ils ne doivent pas aller faire des enfants puis les laisser s'en aller comme si c'était des moutons ou des chèvres, ils les laissent partir comme ça, ou bien des oiseaux comme ça, ils les laissent voler, s'en aller, ils les surveillent pas, ils regardent pas qu'est-ce qu'ils font, ils leur donnent pas de conseils, ils les orientent pas, ils leur disent pas qu'est-ce qui est bien, ils leur disent pas qu'est-ce qui est mal, ils les avertissent pas du mal, ils les éloignent pas du mal, il leur enseigne pas la religion, il leur enseigne pas qu'est-ce qui est bénéfique pour eux. Et on a vu cette mentalité là. Et certains, justement, parmi les musulmans, ils se basent sur les kuffars pour établir cette éducation là qu'ils pensent être meilleure que l'éducation musulmane. Ils disent, moi j'enseigne pas à mes enfants la religion parce que je veux qu'ils soient libres, et quand ils vont arriver à l'âge de raison, ils vont choisir par eux-mêmes le droit chemin ou la religion de vérité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Cette mentalité là, c'est une mentalité inspirée directement par le shaitan. Il n'y a pas de doute. Parce que toi, tu connais le droit chemin, tu connais la religion d'Allah, tu connais le chemin vers le paradis. Et intentionnellement, tu refuses d'enseigner à tes enfants le chemin vers le paradis pour les laisser dans l'ignorance et pour qu'ils arrivent plus tard confus et perdu dans toute la confusion qui existe au sujet de la religion. Et là, tu leur dis, ben, trouvez par vous-même, débrouillez-vous. Alors qu'on sait très bien que les êtres humains sont dans le chaos, en ce qui concerne la croyance. Et que quelqu'un ne peut être guidé que par la grâce et la miséricorde d'Allah. Allah Azza wa Jal, il t'a guidé, il t'a donné des parents qui t'ont guidé. Des parents qui t'ont élevé sur la vérité, sur le tawhid, et sur la sunna. Et toi, tu dis, non, moi, je ne vais pas donner ça à mes enfants, je vais leur priver de ça. Je vais les priver de ça pour, soi-disant, être plus évolué, comme les kuffars en Occident, comment eux, ils vivent. Ça, c'est vraiment dévié comme mentalité. Et c'est vraiment misérable comme façon d'agir. Et au jour de la résurrection, ces enfants-là, ils vont être devant Allah, et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est nos parents, ils nous ont égarés. Nos parents ne nous ont pas montré le droit chemin. Nos parents, ils nous ont laissé vivre dans l'égarement. Le pire, c'est ça. c'est qu'ils ne vont pas leur ordonner de faire la salat, leur interdire de faire qu'est-ce qui est haram, à moins que ça rentre en contradiction avec leurs intérêts de la dunya. Hein? S'il fait pas, si les enfants ils font pas leurs devoirs, ah là c'est la grosse punition parce que hein, il faut avoir des bonnes notes pour réussir, pour avoir un bon travail dans la dunya. C'est la seule réussite qui est importante pour ces parents-là. C'est la réussite matérielle, la réussite dans la dunya. Toutefois, l'au-delà, ça n'a aucune importance pour eux parce que c'est des gens qui ne pensent qu'à la dunya. Allah musta'an. Et même si leurs enfants, ils vont avoir leur diplôme, hein, et qu'ils vont l'acheter en échange avec l'enfer, ça ne leur dérange pas du tout. Ça, c'est vraiment misérable. Et c'est pitoyable. Et c'est triste, franchement, que des parents puissent penser de cette manière-là alors qu'ils ont été eux-mêmes élevés sur l'islam. Et une fois même, j'ai entendu un converti qui disait des choses semblables et ça m'a vraiment choqué. Il m'a dit, en parlant, parce qu'il me parlait à moi, puisque moi aussi je suis un converti, il m'a dit, mais tu sais, nous on était nés dans, on est grandi dans le kufr et dans la mécréance et dans ce système, et regarde comment on est sorti. Finalement, on est devenu musulman, puis on est sur l'islam. Donc, pourquoi on ne laisserait pas aussi nos enfants aller découvrir cette religion de la même façon en leur laissant le choix ou je ne sais pas quoi? J'ai dit, subhanallah. Hein? J'ai dit, Allah Azzawajal, hein, il t'a montré la vérité, il t'a guidé à l'islam. Maintenant, si, par exemple, toi, on est né dans des familles non musulmanes, on n'avait pas le choix. On n'a pas eu ce choix-là. Et nos parents ne pouvaient pas nous montrer ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais une fois que nous, on l'a connu, est-ce qu'on peut l'ignorer et faire semblant qu'on ne le connaissait pas et laisser nos enfants dans l'obscurité et ne pas les guider vers la guidance et de ne pas les amener vers le meilleur environnement pour qu'ils puissent justement préserver leur foi et leur religion en commençant justement en essayant de faire la hijra pour aller vivre dans des pays musulmans, pour qu'ils vivent et qu'ils grandissent dans des sociétés qui sont musulmanes, où ils vont pouvoir préserver leur religion et leurs croyances et leurs pratiques de façon plus naturelle et plus facile, plus normale. Donc, de juger de cette manière, c'est étrange en réalité. De dire oui, mais finalement, on peut hein, les laisser grandir dans des sociétés égarées et dans la mécréance et dans le kufr. Hein. Et puis finalement, après ça, ils vont choisir le droit chemin par eux-mêmes. Non, il faut leur donner hein, tous les outils, tous les armes et toutes les protections possibles hein, depuis l'enfance pour qu'ils puissent justement. S'armer depuis l'enfance avec toute la connaissance nécessaire et toutes les principes et les éloigner du mal et les rapprocher du bien et protéger leur fitra pour qu'ils soient le plus proche possible de la vérité et de mettre tous les, comme on dit, tous les chances de leur côté pour qu'ils puissent devenir des bons musulmans plus tard. Et le reste par la suite, une fois que tu as pris les causes et que tu as mis ta confiance en Allah et que tu as fait des doigts pour eux, ensuite tu demandes à Allah Azzawajal de s'en occuper et c'est lui qui hein, va les protéger par la suite parce que les parents ne sont pas là pour toujours. Donc on espère que Allah Azzawajal les guide après nous et les protège. Et les aide à vivre une bonne vie. Hein? Mais ça, c'est très important. Et même parmi les choses qui restent après notre mort, c'est un enfant pieux qui fait des doigts pour ses parents après lui. Donc, si tu as éduqué tes enfants sur la bonté, la piété, tu leur as enseigné le bien. Ils seront reconnaissants de ça plus tard et ils vont faire des invocations pour toi après que tu seras mort, Hein? Ça aussi, c'est une bonne chose. Donc, yani, le cheikh, il explique ensuite, donc il dit, tu dois leur enseigner le bien, tu dois leur enseigner yani, leur religion et ce qui est bénéfique pour eux. C'est aussi important de leur enseigner tout ce qui est bon pour eux pour qu'ils puissent connaître les bonnes choses de la dunya. Hein, si on connaît par exemple des bonnes façons de gérer les choses ou un métier ou quelque chose qu'on sait faire bien qui peut les aider, pas seulement dans la religion mais aussi dans la dunya. Eh bien, dans ce cas-là, il faut les aider dans ces choses-là, hein, pour qu'ils puissent justement s'aider plus tard à faire un bon métier ou à faire une bonne profession ou à faire quelque chose de bien pour eux pour plus tard, qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir préserver leur dignité et leur honneur et gagner leur vie de façon honorable et qu'ils n'auront pas besoin de faire des choses haram pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose de bénéfique aussi. Et de les éloigner du mal le plus possible et de toutes les sources du mal. Donc faites attention. Faites attention à ce qui peut être une source de mal et que les gens parfois ont pris pour acquis. Ou bien on négligeait complètement. À l'époque, moi, quand on était petit, c'était la télévision. Il fallait faire attention, hein? Et moi, malgré que mes parents, ils étaient pas musulmans, mais malgré ça, ils savaient qu'il y a dans la télévision des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, hein? Mais aujourd'hui, il y a pire que la télévision. Il y a l'Internet. Et l'Internet est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux que la télévision. Parce que la télévision, tu regardes, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qui est ton programme? Tu peux regarder ça seulement. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a comme télévision aujourd'hui avec les satellites. Il y a des centaines et des centaines de chaînes. À l'époque, on avait quoi? Quatre chaînes? 4 ou 5 postes de télévision si on n'avait pas le câble. Hein? Il y avait 4 ou 5 postes seulement. Donc on avait le choix limité. Mais malgré ça, il y avait des choses mauvaises. Donc imaginez maintenant, hein? Et avec l'Internet, tu regardes ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, peu importe l'heure, hein? Et il n'y a pas de programme. C'est-à-dire, toi, tu décides si tu veux. À l'époque, je me rappelle, quand on était petit, les dessins animés, c'était le matin, un petit peu le midi, un petit peu dans la soirée, et puis c'était fini, il n'y en avait pas d'autres. Et le week-end, peut-être le matin aussi. Maintenant, ça peut être 24 heures sur 24, les dessins animés. Yani, subhanallah, sans arrêt, toute la journée. Si tu laisses. Hein, les enfants regardaient ça tout le temps, eh bien, il n'y a pas de doute qu'ils risquent d'avoir des troubles à cause de ça. Il faut limiter, il faut contrôler. Sans parler des autres choses qui sont mauvaises aussi, les jeux vidéo et toutes sortes d'autres choses. Allah al-Musta'an, c'est devenu dangereux. Donc, il faut contrôler ces choses-là. Et limiter le maximum possible de qu'est-ce qui peut être une source de mal pour nos enfants. Hein? Et de les encourager à faire des passe-temps et des choses, des passe-temps et des occupations qui sont éducatives et qui sont bénéfiques, qui sont utiles. Et puis de temps en temps, ils peuvent se distraire en faisant des jeux, mais il ne faut pas que ça devienne la règle générale. Il faut faire attention à ces choses-là. Aussi, de les protéger des mauvais amis et des mauvaises fréquentations, hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus âgés, plus vieux. Et ça, c'est très important de voir qui ils fréquentent, qui sont leurs amis, qui sont les parents de ces amis-là, comment ces parents-là ont éduqué leurs enfants. Parce que la façon que ces parents-là ont éduqué ces enfants-là, ça va te dire beaucoup sur le comportement de ces enfants. Donc, de demander qui sont leurs amis, hein? Et tu dois les connaître, ces amis-là. Et tu dois aussi connaître qui sont leurs parents. C'est pas juste tu les laisses traîner avec n'importe quelle personne. Et des gens, tu les vois, tu sais même pas qui ils sont. Il faut savoir avec qui tes enfants marchent dans la rue et qui ils fréquentent comme amis. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que ce sont des croyants, ces amis-là? Est-ce qu'ils font le bien? Est-ce qu'ils font la salat? Hein? Parce que sinon, tu vas les perdre. Ces enfants-là vont s'égarer. Et une des choses qui influencent le plus les enfants, c'est d'autres amis, des amis comme eux. Mais si c'est des amis qui aiment le mal, ils vont dire à tes enfants, ils vont leur enseigner des choses que toi, tu les as éloignés de ça toute ta vie. Tu as fait des efforts pour les protéger de ces choses-là. Et eux, ils vont faire tout pour les amener vers le mal. Donc, imagine l'enfant que toi, tu as toujours protégé contre la musique. Et tu lui as expliqué que la musique, c'est pas permis, c'est haram. Et là, il traîne avec des jeunes ou des amis, que ce soit des garçons ou des filles, qui, eux, écoutent de la musique tout le temps. Et ils leur passent de la musique et ils écoutent ça. Et ils commencent à découvrir ces choses-là et commencent à aimer ces choses-là. Et ils commencent à s'égarer à cause de ça. Hein? Sans parler de d'autres choses qui peuvent être des mauvaises influences, que ce soit dans la façon de s'habiller, la façon de penser, les croyances, que ce soit dans les mauvaises habitudes, comme que ce soit des choses, par exemple, la cigarette, ou pire encore, de la drogue, hein, ou de l'alcool, et les fréquentations, en tout cas, par la suite. Tout ça, ça fait des effets d'avalanche parfois. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc on peut dire que l'éducation des enfants, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est une très très très lourde responsabilité. C'est pas juste comme des poulets qu'on met au monde, comme des poules qui font des œufs, puis après elle sait plus qu'est-ce qui arrive avec son poussin par la suite. Elle va pas le suivre tout le temps, elle va pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais nous, on est des êtres humains, c'est pas pareil. Les liens de sang, les liens de parenté sont très comme on dit, serrés. Et il faut justement faire en sorte que notre progéniture soit préservée pour justement que elle puisse avancer justement et être sur une voie honorable par la permission d'Allah. Donc, préserver les enfants des mauvaises fréquentations, des mauvais amis, et de leur faire connaître les choses bénéfiques pour eux, les choses qui sont des intérêts profitables pour eux, et de les éduquer. Ça fait partie des droits que les enfants ont sur leurs parents. Donc ça fait partie de leurs droits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, on l'a déjà mentionné ce hadith-là, ça dit, enseignez à vos enfants la prière. Hein, ordonnez-leur de faire la prière à partir de l'âge de 7 ans. Et après, s'ils atteignent l'âge de 10 ans, frappez-les s'ils ne la font pas. Et distinguer entre eux dans les lits, c'est-à-dire séparer-les dans les lits. Donc ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Quelqu'un va dire, mais pourquoi tu vas frapper un enfant? Tu vas le punir parce qu'il ne fait pas la salat? Oui, parce que le plus important après la ilaha illallah, c'est la salat. Donc s'il néglige la salat, il néglige sa religion, il risque grave. Il risque l'enfer. Et la distinction et la différence entre le croyant et le mécréant, c'est la salat. Donc, apprendre à l'enfant l'importance de la salat, c'est fondamental. Parce qu'il doit comprendre qu'il n'y a rien de plus important dans la vie, après la ilaha illallah, que la salat. Hein, c'est plus important que tout le reste, même que manger et boire. Donc, il faut lui faire comprendre cela. Si tu lui fais comprendre ça, quand il est enfant, plus tard, il va toujours s'en souvenir par la permission d'Allah. Donc ça, c'est l'éducation. Et aussi de lui enseigner le Coran et la récitation du Coran et la mémorisation du Coran, ainsi que la sunna. Il lui a enseigné les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna, et la aqida de l'islam, du tawhid, et les sciences bénéfiques, les choses bénéfiques, pour comprendre la religion. Et aussi parmi les droits de l'enfant sur son parent, c'est de lui interdire les choses haram. Tu vas pas dire, ah, mais yani, je le laisse, il est libre, il va découvrir tout seul. Non, tu dois lui interdire les choses haram. Tout ce qui est haram, tu lui interdis. Tu es responsable de ça. Et de même que les mauvaises compagnies, on a dit déjà, et de faire les péchés, tu dois lui interdire. Même comment il coupe ses cheveux, s'il ne coupe pas ses cheveux comme il faut, il fait le qaza. Le qaza, c'est-à-dire il coupe les côtés plus bas, puis il laisse le devant plus haut, ou des parties qui ne sont pas égales dans ses cheveux, pour suivre la mode, pour suivre les koufars, qu'est-ce qu'ils font. Les filles, la même chose. Comment elles s'habillent, comment elles se comportent, avec qui elles fréquentent. Tout ça, c'est important. Comment tu vas les éduquer pour qu'ils soient des bons croyants, des bons musulmans, et que peut-être même par la permission d'Allah, qu'ils deviennent des du'ats, des gens qui vont être eux-mêmes des gens qui appellent à l'islam et qui vont appeler au tawhid et qui vont faire la da'wah pour cette religion. Ça c'est un niveau encore plus élevé si on est capable d'atteindre ça et d'enseigner ça à nos enfants. Ça c'est vraiment visé vraiment très très très haut pour vous, pour nos enfants. Combien d'entre nous on espère que nos enfants deviennent des ulama ou des mashaykh ou des du'at ou des gens qui font partie des tullab al-ilm? Combien d'entre nous on a cette aspiration là pour nos enfants? Très peu, parce que beaucoup d'entre nous, on pense qu'à la dunya, pour nos enfants. On veut qu'ils soient médecins, on veut qu'ils soient dentistes, on veut qu'ils soient ingénieurs, on veut qu'ils soient... Parce que c'est des métiers qui payent. Mais talibin, ça ne paye pas. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, les gens, ils ne pensent pas à ça. Alors que ça, c'est le plus noble des métiers, c'est le métier de l'enseignement de l'islam, des prophètes. Naam. Donc ça c'est très très important, parce que c'est le métier et la tâche des prophètes, c'était la da'wah. Quand je dis le métier, c'est-à-dire il faut comprendre que yani, le métier, c'est pas le métier comme un métier, c'était leur tâche. C'était leur devoir, c'était ça leur aspiration, c'est ça qu'ils faisaient comme mission dans leur vie. C'était le fait d'appeler la création, appeler les créatures à Allah et à l'adoration d'Allah. C'était pour ça que Allah Azza wa Jal les a envoyés. Et tous ceux qui font la da'wah aujourd'hui, parmi les croyants, eh bien, ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les messagers dans cette voie-là. Parce qu'ils appellent à Allah eux aussi. Et ça, c'est le plus noble de tous les... le plus noble de toutes les... la plus noble de toutes les tâches que quelqu'un peut faire. Le cheikh, il dit ensuite que parmi les droits des enfants aussi, il y a le fait d'être juste entre eux dans ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que si tu donnes quelque chose à l'un, tu ne dois pas en priver l'autre. Ça, c'est important. Et il dit aussi de respecter la façon dont Allah Azza wa Jal a distribué l'héritage entre les garçons et les filles, et de donner à la fille la portion. Tu donnes au garçon la portion de deux filles. Tu donnes au garçon la portion de deux filles. Et là, les gens ils disent, mais ça c'est pas égal, pourquoi tu donnes plus au garçon que à la fille? Eh bien, Allah Azza wa Jal, il a donné dans le Coran, dans l'héritage, à la fille la moitié de ce qu'il a donné au garçon. Est-ce que ça c'est une injustice? Est-ce que vous pensez que le créateur du ciel et de la terre veut être injuste envers sa création? Celui qui pense ça, alors il n'a pas de raison, il n'a pas de foi, il n'a pas de compréhension. Parce que c'est impossible. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, « Inna Allah la yazlimu mithqala dharra » Allah Azza wa Jal, il ne fait même pas un atome d'injustice. Donc s'il a légiféré que le garçon a le double de la part d'une fille, hein, ça c'est parce que c'est ça la justice. Et c'est pour être juste qu'il a établi ça de cette façon-là. Même si, pour les gens, ça peut donner l'impression que c'est injustice. Pourquoi? Parce que c'est pas égal. Mais lorsqu'on comprend la religion d'Allah et qu'on comprend la charia, comment Allah Azza wa Jal, il a légiféré et comment il a ordonné la famille et la société, on comprend qu'il n'y a pas d'injustice dans ça. Au contraire, c'est ça la justice. Puisque on sait que dans l'islam, l'homme, il est le responsable de la femme dans tout. Hein? C'est-à-dire que c'est lui qui doit veiller à sur elle économiquement et de façon complète et totale. Hein? Donc la mentalité des femmes kuffar qui disent « Non, moi je ne veux pas dépendre d'un homme. » Hein? Et même les kuffar, c'est parmi même la culture des jeunes, et surtout les choses qui sont véhiculées par la culture pop, hein, surtout chez les jeunes filles actuellement, la mentalité de féministe et de dire que la femme, elle doit être indépendante, hein, et qu'elle ne doit pas dépendre d'un homme ou des choses de ce genre. Non, dans l'islam, il n'y a pas ça. Dans l'islam, la femme, elle dépend d'Allah Azza wa Jal, et l'homme aussi dépend d'Allah, sauf que Allah Azza wa Jal, il a ordonné à l'homme de prendre soin de la femme et de s'en occuper. Sans que ce soit quelque chose qu'il fait pour s'élever au-dessus d'elle, dans le sens qu'il ne va pas dire à chaque fois qu'il lui donne quelque chose qui fait partie de ses droits et qui lui revient de droit, je t'ai donné ça. Et je te donne ça, et je te donne ça. Non. Parce que c'est son droit que tu dois lui donner. Donc, tu n'as pas à lui renoter chaque fois que tu lui donnes quelque chose que tu lui as donné. Hein? Même si parfois les femmes sont un peu reconnaissantes. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith, yakfurna al-ashir. Hein? Elles sont ingrates envers leur mari. Quand elles sont fâchées, elles disent « Tu ne m'as jamais rien fait de bien. Hein? » Mais, malgré ça, yani, tu dois être humble. Et tu dois donner ce qui revient de droit à la femme ou aux femmes de ta famille. Et de t'en occuper. Non pas comme si tu le faisais pour leur faire plaisir, mais comme si c'était ton devoir de le faire. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que la femme est là moins que l'homme, hein, lorsqu'elle reçoit de l'héritage. Et après, le cheikh, il explique, il dit qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était Bashir ibn Sa'd. Et il est venu pour témoigner, hein, ou bien pour demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'être témoin de ce qu'il voulait donner à un de ses fils, qui était Al-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. Donc il est venu pour lui faire témoigner de ce qu'il donne à son fils, Al-Nu'man. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, est-ce que tu as donné ça à chacun de tes enfants, tu leur as donné ça? L'homme, il a dit, non. Alors il lui a dit, alors dans ce cas-là, cherche autre témoin que moi, parce que moi je ne vais pas être témoin pour l'injustice. Et il lui a dit également, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, et c'est rapporté aussi par Muslim, il lui a dit, préserve-toi d'Allah, hein, ou préservez-vous d'Allah et soyez juste envers vos enfants. Et il lui a dit, N'est-ce pas? Est-ce que tu ne serais pas heureux que tes enfants soient tous bons envers toi de façon égale? Il a dit, certes, oui. Alors il dit, dans ce cas-là, je ne peux pas témoigner. Pour qu'est-ce que tu donnes à cet enfant-là en dehors des autres? Si tu veux que tous tes enfants soient bons envers toi de façon égale, alors sois égal envers eux toi aussi. Parce que tout ce que tu fais comme injustice envers tes enfants, si par exemple tu donnes à un puis tu ne donnes pas aux autres, ils vont être jaloux l'un envers l'autre à cause de ça, et ils vont se détester les uns les autres à cause de ça, et ils vont être en colère contre leur père aussi à cause de ça, parce qu'ils vont dire, ah, il a donné tout à un, et nous, il ne nous a rien donné. Ça crée des disputes pour rien. Et ces disputes-là, parfois, ça continue, même après la mort des parents. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il dit, l'imam al-Mardawi, il dit, afwan ya akhi, mon frère, brother, you have a carpet? Sorry. With the corona, you don't have a choice. Hein? Désolé. Donc, l'imam al-Mardawi, il dit, wa ummun ma' al-awladi wa mithlu abihim alayha. Ihtimi at-ta'dila fi al-qismi turshadi. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce passage-là? C'est-à-dire que la mère, elle aussi, elle doit être égale envers les enfants, pas seulement le père. Hein? Donc, essaie d'être égale dans la distribution, quand tu donnes aux enfants des choses, d'être égale. Pas seulement le garçon, pas seulement le père qui doit être égal ou doit être juste plutôt envers ses enfants, mais aussi la mère. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit, يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية مثل ما يجب على الأب. الحديث وارد في الأب ولكن الأم تدخل فيه أيضا لأنها والد ولأن المعنى الموجود في الأب موجود فيها فلا تعطي بعض أولادها وتحرم الآخرين أو تعطي الذكور وتحرم الإناث أو تعطي الإناث وتحرم الذكور بل تعدل بينهم كالوالد. Donc le cheikh, il explique, il dit qu'il est obligatoire à la mère d'être juste envers les enfants dans qu'est-ce qu'elle donne, de la même manière qu'il est obligatoire d'être égal, hein, ou plutôt d'être juste, que le père soit juste envers les enfants. Et le hadith qu'on a mentionné, il parlait du père, sauf que la mère, elle entre également dans cette signification-là, puisque la mère est un parent, elle aussi. Et donc, la signification qui est présente pour le père, elle est présente pour la mère également. Et donc, elle ne doit pas donner à certains de ses enfants tout en privant les autres, ou de donner aux garçons et de priver les filles, ou de donner aux filles et de priver les garçons. Elle doit plutôt être juste entre les enfants, hein? Être juste entre tous les enfants. Le cheikh, il dit ensuite, وَعَلَى الْأُمْ أَنْ تَعْدِلَ فِي الْعَطِيَّةِ وَعَلَيْهَا التَّرْبِيَةِ فَعَلَيْهَا قسط من تربية الأولاد وليس المراد تربية أجسامهم فقط ولكن الأهم من ذلك تربيتهم التربية الدينية فتبقى معهم في البيت لأجل كثرة خروج الوالد وسفره فتكون هي الخليفة بعد أبيهم. الأم عليها مدار عظيم في تربية الأولاد ولهذا يقول الشاعر والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم لها دور في تربية الأولاد، ولكن ماذا نقول في هذا الزمان الذي صارت النساء تخرج إلى الأعمال والوظائف والدراسة وتترك الأولاد بدون مرب، أو تتركهم إلى مرب أجنبي، بل قد يكون مربيا كافرا، فهذا من الانتكاس. فالأم طرحت المسؤولية التي أوجبها الله عليها وخرجت وتركت أولادها، فهذا ترك لواجب عظيم. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? C'est très important. Il dit que la mère, elle doit donc être juste hein, dans ce qu'elle donne à ses enfants, et elle doit hein, faire cette éducation-là pour ses enfants. Et donc, elle doit être juste dans la manière d'éduquer ses enfants. Et c'est pas juste de les éduquer physiquement ou de les élever physiquement hein, dans l'éducation. Par rapport à leur de les nourrir, de les vêtir, de les abriter, hein, tu leur donnes un toit. C'est pas seulement cette éducation là. Tu les envoies à l'école pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, c'est important. Mais l'éducation religieuse, c'est le plus important. Et étant donné que la mère, elle est avec les enfants à la maison, tandis que le père, lui, il sort souvent, alors c'est elle qui est, hein, c'est elle qui garde la maison, c'est elle le lieutenant à la maison pendant que le père est absent. Et donc la mère, elle a une très grande part de la responsabilité de l'éducation, et c'est pour ça que un poète a dit dans son poème, il dit: la mère est une école. Si tu la prépares, elle va préparer un peuple avec des bonnes racines. Donc ça, c'est important de faire comprendre ça pour que la mère, hein, elle ait ses valeurs et qu'elle ait ce comportement et ces bonnes manières, qu'elle soit capable d'inculquer à ses enfants le bon comportement. Et c'est la mère qui est la première école des enfants. C'est pour cette raison là que il est très important de protéger la femme et de préserver la femme, parce que c'est elle qui est, hein, la première école. C'est elle qui va éduquer une nation entière. Et c'est pour cette raison aussi que les koufars, ils commencent toujours leurs attaques, hein, des peuples et des croyants par l'idée de vouloir combattre et de pouvoir détruire la femme. S'ils sont capables de détruire la femme musulmane, eh bien, ils ont réussi dans leur combat contre les musulmans, parce que la femme musulmane, si elle perd sa foi, si elle perd sa voix, eh bien, les enfants vont être perdus. Et quand les enfants sont perdus, les générations futures de musulmans vont être égarées. Et eux, c'est ça, les koufars, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, comme ils le disent maintenant, assimiler les musulmans pour que les musulmans perdent leur foi, perdent leur religion et deviennent des musulmans sans islam. Hein, des musulmans invisibles, c'est-à-dire on peut pas les voir, on peut pas savoir qu'ils sont musulmans en les voyant, parce qu'ils n'ont rien de musulman. Hein. You can throw it away, hein. Tu peux le jeter dans la poubelle. Oui. No, you cannot use it. It's COVID. Yes, you're welcome. Donc c'est ça le plan des koufars, hein, et pourquoi ils essaient d'interdire à la femme de se voiler, et ils essaient de trouver plein de raisons, de prétextes pour dire pourquoi ils sont, hein, contre le voile, parce qu'ils disent c'est un assujettissement de la femme à l'homme et c'est un signe de servitude et de ci et de ça, alors qu'ils savent très bien que ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est eux qui traitent la femme comme une esclave en réalité, en la faisant marcher à moitié nue dans la rue et en l'utilisant que pour assouvir leurs désirs et en faisant en sorte que justement elle soit accessible sur ce plan-là. Hein? Et maintenant, ils ont des problèmes avec ça parce qu'il y a tellement d'agressions sexuelles dans leur société. Hein, que les femmes ne peuvent plus avoir confiance en un homme. Et les règles que l'islam nous enseigne, que par exemple un homme ne doit pas être isolé seul avec une femme qui n'est pas sa femme, ou qui n'est pas une femme de sa famille, il n'a pas le droit de s'isoler. Eh bien, eux qui critiquent l'islam, ils sont en train maintenant d'imposer ces règles-là. Hein, ils sont en train d'imposer ces règles islamiques malgré eux, parce qu'il y a trop d'agressions et il y a trop de dépassements. Parce qu'en réalité, ils essaient d'agir comme s'ils n'étaient pas des... comme s'ils étaient... Ils essaient de faire croire qu'ils sont au-delà de leurs pulsions et de leurs désirs, de la réalité de ce qu'ils sont, mais à la fin... Qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui prend le dessus. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils tombent dans toutes sortes de comportements dégradants et rabaissants pour la femme. Et ils prétendent être les défenseurs de la femme. Et de façon générale, on a toujours remarqué ça. Les gens qui prétendent vouloir aider ou défendre la femme, c'est souvent eux les premiers qui sont les premiers qui sont là pour profiter de la femme. D'accord, donc alhamdoulillah, il faut être ferme sur nos positions à propos de cette question-là et de protéger justement la femme en protégeant son éducation, sa aqida et son comportement. Et le cheikh, il dit que la mère, donc, elle a un grand rôle dans l'éducation des enfants, mais, il dit, qu'allons-nous dire à notre époque lorsque la femme est devenue une femme qui sort à l'extérieur pour travailler ou pour étudier, elle laisse ses enfants sans personne pour les éduquer, ou bien elle les laisse avec une personne tierce qui va s'en occuper. Une personne étrangère qui n'a aucun lien de sang avec ses enfants pour s'en occuper dans les garderies. Allah al-Musta'an. Il dit peut-être même qu'ils vont les laisser avec des koufars pour les éduquer. C'est les koufars qui vont les éduquer. Et la même chose avec les écoles. Envoie tes enfants dans des écoles publiques. Les professeurs qui enseignent tes enfants, c'est des koufars. Donc, tu ne dois pas espérer que tes enfants, ils vont revenir à la maison, qu'ils vont dire « Mon professeur, il m'a dit que je dois faire la salat. » Hein? Parce que les professeurs, eux-mêmes, sont des koufars, ils ne croient même pas en Allah. Donc, au contraire, je ne serais pas surpris si tes enfants, ils reviennent à la maison, puis ils disent « Maman ou papa, le professeur, il a dit que Allah, il n'existe pas. » Ou bien ils reviennent à la maison et disent aujourd'hui ils ont fait un dessin pour se moquer de notre prophète. Donc ça c'est la réalité. Donc est-ce que on a le droit d'envoyer nos enfants dans ces écoles-là? Non, c'est pas permis. Et ça, les ulama, ils ont mentionné ça depuis des siècles. Ils ont parlé de ça. Aujourd'hui, on réagit de façon étonnée lorsqu'on parle de ce genre de sujet. On dit, mais comment ça? Pourquoi? Comme si c'était nouveau, comme si c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas. Franchement, soit on se ment à soi-même, ou soit on vit dans l'insouciance totale. On est vraiment perdu si on ne comprend pas ces principes-là. Donc la femme qui reste, qui sort la journée, toute la journée, Toutes ces choses-là qu'on est en train de dire, c'est des choses que les koufars eux-mêmes, dans leur société, ils disaient auparavant. Hein? Reculez 100 ans en arrière ou 200 ans en arrière, vous allez voir les sociétés occidentales, quand ils ont commencé à pousser les femmes pour aller dehors. C'était surtout après les guerres. Hein? Ils ont commencé à utiliser ça comme un prétexte parce que quand les hommes sont partis à la guerre, c'est les femmes qui continuaient à travailler dans les usines. Quand les hommes sont revenus de la guerre, les femmes ont continué à travailler parce que c'était une main-d'œuvre qui était moins chère et puis ils ont profité de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ils disent, ah, mais il n'y a pas l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Il n'y en aura jamais. Hein? Parce que les femmes, elles font, de première main, elles font pas les mêmes emplois que les hommes. Et ça, c'est des choses qui sont presque instinctives parce que c'est la réalité de qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a créé dans l'homme et dans la femme. Pour les distinguer, ils sont naturellement différents. Et donc, ils aiment des choses différentes, ça c'est normal. Même si les koufars, ils essaient d'encourager les femmes à faire des emplois qui sont traditionnellement réservés aux hommes et qu'ils essaient de pousser les hommes à faire des emplois qui sont traditionnellement réservés aux femmes, comme ils disent eux, parce qu'ils prétendent que les rôles entre les hommes et les femmes, c'est seulement des choses qui ont été inculquées par la société et non pas des choses qui sont naturelles à l'homme et à la femme, en voulant dire que tu peux prendre une femme puis l'éduquer comme un homme et elle va devenir un homme finalement, même si elle a un corps de femme. Et tu peux prendre un homme puis l'éduquer comme une femme et il va devenir finalement une femme même s'il a un corps d'homme. Et ça c'est faux, hein? C'est faux parce que même des petits enfants, subhanallah, tu leur donnes le choix. Tu mets un garçon, tu mets une fille, tu mets des poupées et tu mets des camions. Les enfants, ils vont se diriger vers des choses. Si tu leur dis rien, ils vont faire ça, hein, par eux-mêmes. Sauf si tu essaies de les brainwash comme qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant, de le faire croire aux enfants. Mais oui, un garçon il peut jouer avec les poupées, les filles peuvent jouer avec les camions, et les garçons peuvent mettre du rose et les filles peuvent mettre du bleu. Puis finalement, il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille, hein. Et après, ils vont leur dire, ben oui, un homme peut se marier avec un homme, puis une femme peut se marier avec une femme. Mais c'est ça qu'ils enseignent aux enfants aujourd'hui, dans les écoles des koufars. Hein? Donc, ça va loin, tout ça. Nasrallah al-afiyah. Donc, ça, c'est le résultat de quoi? Lorsque la femme, elle s'éloigne de son rôle de femme, et que l'homme, il s'éloigne de son rôle d'homme, et qu'il abandonne l'enfant, et qu'ils abandonnent l'éducation qui revient à cet enfant-là, surtout en tant que musulman. Donc le cheikh, il dit, « Fahada min al-intikas ». Al-intikas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as la vérité, puis tu l'abandonnes, tu retournes sur, hein? Tu reviens sur, vers l'égarement. Allah al-musta'an, tu laisses la vérité pour le faux. Donc la mère, si elle a abandonné la responsabilité que Allah Azza wa Jal lui a mis sur elle, et qu'elle sort de la maison et qu'elle abandonne ses enfants, hein, elle n'a pas d'autre. Il y en a même des femmes qui ne veulent pas se marier et qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui ne veulent pas, hein, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles disent, moi je veux, j'ai ma carrière et c'est ma carrière qui est importante. Hein? Et je veux pas, hein? J'ai mes études et j'ai ma carrière et je veux faire ça et je veux faire ça, hein? Si je me marie, je vais pas pouvoir faire ça et ça et ça. C'est comme si ça, c'était comme si ce qu'elle veut faire, c'était plus important que de bâtir une famille. Et la chose la plus malheureuse dans tout ça, hein? Parce que les années où cette fille là elle était le plus féconde et le plus apte justement à fonder une famille, elle les a gaspillés dans les études et dans toutes sortes de jobs qu'elle a fait, des travaux, des emplois qu'elle a pris pour essayer de bâtir sa carrière. Elle se réveille à 40 ans, 45 ans, et elle commence à réaliser qu'elle est toute seule, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a rien, et elle a juste ses diplômes accrochés sur le mur. Et là, elle se dit, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne me suis pas mariée? Et là, elle commence à demander, elle dit, vous connaissez, vous, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui voudrait se marier avec une femme de 45 ans? Hein? Et là, elle est déçue parce qu'elle ne trouve pas un homme qui lui plaît pour se marier à cet âge-là, pour fonder une famille. Quel homme musulman va choisir de se marier avec une femme de cet âge-là qui ne peut même plus avoir d'enfant? Hein? C'est très difficile. Peut-être il va là. Si un homme il a déjà une épouse, il veut prendre une deuxième épouse, il va peut-être se marier avec elle. Mais encore là, c'est pas facile. C'est pas parce que il veut une femme plus jeune, mais c'est parce que le but, un des buts du mariage dans l'islam, c'est de fonder une famille. Et si tu vas épouser une femme qui est à proximité de la ménopause et qui ne peut plus avoir d'enfants, ou pour qui avoir des enfants, ça, c'est dangereux pour sa santé parce qu'elle est trop âgée, alors Yannick, tu ne peux pas blâmer cet homme-là de dire qu'il préfère les femmes plus jeunes. Hein? Donc, c'est comme si on dirait que les gens, ils se mentent à eux-mêmes et ils refusent de comprendre la réalité de la vie. Alors que dans la réalité des choses, hein, une femme, quand elle arrive à 25 ans, en grande partie, elle commence déjà à descendre. La pente, elle monte jusqu'à 25 ans. Arrivée à 25 ans, elle descend. C'est pas comme l'homme. L'homme, il reste plus longtemps, disons, jusqu'à 40 ans. Et puis à 40 ans, il commence à descendre. D'accord? Mais la femme, c'est plus tôt. Sur le plan biologique, hein, sur le plan de la fécondité et puis toutes ces choses-là. Mais ça, les koufars, ils ne veulent pas tenir compte de ça parce qu'ils veulent vivre dans un rêve et ils veulent voir la vie d'une manière illusoire. Ils refusent d'accepter les faits. Mais la réalité, c'est comme ça. C'est pas pour rien que la fille, elle commence à avoir ses périodes à un âge très jeune. Parce qu'à partir de cet âge-là, elle devient, commence à devenir féconde. Ça veut dire qu'elle commence à pouvoir fonder une famille. Et c'était comme ça que les sociétés fonctionnaient, même en Europe, même en Amérique. Au début du siècle, c'était comme, dans les débuts du siècle, c'était comme ça encore. Même ici au Québec, je me rappelle, parce que ma mère, elle avait fait des études de droit, et je me rappelle que elle avait un code civil. Et l'ancien code civil qu'on avait à la maison, c'est pas le même que celui qui existe actuellement. Et l'âge qui était écrit dans le code civil pour le mariage des garçons et des filles, c'était 12 ans pour la fille et 14 ans pour le garçon. L'âge du mariage pour la fille, c'était plus bas que l'âge du garçon parce que la fille, en général, elle se développe beaucoup plus tôt que le garçon. Ça, ce n'est pas des choses qui sortaient des rêves, c'est de la réalité. Hein? Et ça, tout le monde le sait. Hein? Même eux, ils le savent, les koufars. Mais ils ont repoussé ça à 18 ans. Et même dans certains pays, c'est plus que ça. Et la raison pourquoi ils ont fait tout ça, c'est pour aider ou pour pousser les jeunes de plus en plus vers la perversité et vers le haram. Et pour qu'ils aient des rapports entre eux avant le mariage, pour détruire, hein, tout ce qui est religieux, tout ce qui est contraire à la perversité. Eux, ils disent maintenant, hein, comme par exemple à l'ONU et l'UNESCO, ils ont des branches comme ça qui s'occupent de ce genre de choses. Ils disent qu'il faut empêcher les filles de se marier jeunes. Hein. Et ils ont des campagnes comme ça qu'ils appliquent dans les pays musulmans d'empêcher les jeunes filles de se marier. Et de distribuer des préservatifs, hein, et des pilules anticonceptionnelles. Hein, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, de distribuer des pilules. Mais c'est comme ça qu'ils disent. Il ne faut pas que ces jeunes filles-là se marient. Il ne faut pas qu'elles se marient. Mais si elles veulent sortir avec un garçon en dehors du mariage, puis qu'elles tombent enceintes en dehors du mariage, là, il faut empêcher ça. Parce que si elles vont tomber enceintes, ça va les empêcher de, hein, faire leur carrière. Donc, il ne faut pas qu'elles tombent enceintes. Il faut leur donner des pilules. Il faut leur donner des préservatifs. Hein? C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et c'est ça que le cheikh, il explique quand il mentionne que la mère, c'est l'école. Si la mère, c'est ça sa mentalité, hein, de suivre ses passions, de s'éloigner de sa famille, de s'éloigner de ses responsabilités, de penser juste à sa personne de façon égoïste, égocentrique, hein, et d'oublier tous les droits que sa famille a sur elle et les responsabilités qu'elle a envers son mari, envers sa famille, envers ses enfants, et de penser qu'à elle. C'est ça en réalité le résultat. Parce que c'est ça les valeurs de l'Occident actuellement. L'égocentrisme et de penser qu'à soi. Hein? Comme si c'était nous le centre de l'univers. Chaque individu, il est le centre de l'univers. Donc il veut que tout soit, hein, pour lui. Alors que la vie, la société, c'est pas comme ça. Hein? On est tous interreliés et on a tous des droits et des devoirs les uns envers les autres. Donc si on oublie ça et on perd ça, on devient, hein, de la pourriture. Nasallallahu al-afiyah, mais c'est la réalité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est un sujet qui effectivement ramène beaucoup de leçons qu'on doit apprendre et des choses qu'on doit méditer, hein. Et c'est des sujets qui aujourd'hui dans les sociétés, ils parlent de ça dans les émissions à la télé là. Les koufars, ils font des débats sur ces sujets-là. Dans l'islam, il n'y a pas de débat sur ça. Eux, ils veulent débattre là-dessus parce qu'ils n'ont aucune conviction, ils n'ont aucune foi. Mais nous, les musulmans, on n'a pas à débattre sur ces sujets-là. C'est « qala Allah, qala Rasulullah ». Et c'est tout. Et on essaie de s'adapter au texte, à qu'est-ce que Allah nous a ordonné de suivre. Et ceux qui veulent appeler à suivre les koufars, ça c'est le signe que ce sont des gens qui ont du nifaq dans leur cœur, de l'hypocrisie. Hein? Mais sinon, les mu'minines, les croyants, ils n'ont pas de doute sur ces choses-là et ils ne vont pas débattre sur ça, ni discuter là-dessus. Et les koufars, ils disent, quand ils parlent des musulmans, ils disent, il faut aider les musulmans à aller vers cette voie. Et il faut leur tendre la main pour les amener vers l'égarement. Hein? Ça, c'est exactement comme le shaitan. Hein? Le shaitan, c'est ça son travail. « Kamathal al-shaitan idh qala lil-insan ikfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Inni akhafu Allah rabbil alamin. » Le shaitan, il dit à l'être humain « Ukfur. Hein? » renie la foi. Et quand l'être humain renie la foi, le shaitan il lui dit, ah, moi je me désavoue de toi, j'ai rien à voir avec toi, moi je crains Allah, le Seigneur des mondes. Subhanallah. Donc il t'appelle vers la mécréance. Une fois que tu tombes dans la mécréance, il dit, moi je me désavoue de toi. Alors là tu te retrouves dans la mécréance alors que tu pensais que lui, il t'appelait vers le bien. Et puis finalement, tu réalises qu'il s'est moqué de toi. Et c'est pour ça que, yani, tu vas être dans l'enfer par la suite. Avec le shaitan. Si tu l'écoutes. Et si tu le suis. Ces gens-là, ils veulent essayer de faire croire qu'ils sont sincères et qu'ils veulent le bien aux musulmans. Mais c'est faux. C'est les alliés du shaitan. Ils ne peuvent pas vouloir le bien. Même peut-être qu'ils savent même pas que ce qu'ils suivent, c'est pas du bien. Parce que le shaitan les a trompés eux aussi. Donc ils s'imaginent être sur le bien et faire le bien, alors qu'ils sont sur le mal, sans même le savoir parfois. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.